Nun zwide poner nia, car on suit si bien ami, de mon doux ami, qui l'a toute me guérie, et son cœur a toute vie. Pour l'amour de nous, c'est que mon amour cassé, cent mille fois qui m'a si très bien enseigné. Que j'aime la fleur et le truie de ce monde si sans pas s'en décevrer. Pour sa bonne renommée, que sans fondre tout louis, plus que je n'ai dit, que mon cœur a si ravi, qu'on que ma haine a mouru. Sans ce que ceci ne rien qui ne désagrée. N'avons pour ce cœur assez dit, sans me dire merci qui est suffisant, c'est rappelé. Oh. Pour ses rares récits.